Je vois que t'es mal, que tu gigotes, qu'est-ce que t'as? Elle est loin l'époque de Sidorf Nesta. L'époque où j'ouvrais des petites Ford Fiesta. Je redis comme dans Prince of Persia. Des diamants et de l'or. Cicatrice indolore, je vois le monde en dollars. La vatos que j'apaisse ma colère. Tous les mêmes, peu importe la couleur. Cramé comme au Chili, ça lève comme ma Philly. Ah, grosse tête de bœuf dans une Philippe. Ah, grosse tête de bœuf dans une Philippe. Ah, je m'arrêterai quand j'aurai 3000, c'est promis, c'est juré. Pour s'en sortir en HRE. Ils sont digérés, dirige les hostilités de la tour. On peut te pousser au pire, RTV au bloc en opère. Je te parle dans les yeux comme mon père. En privé on monte un empire, mais j'ai toujours le cœur en pierre. Fais-moi, je fais comme toi en pire, ok. Tout seul ma carrière j'ai piloté. En freestyle ou fit, fais les siroter. Faut qu'ils se souviennent c'est qui le T. Faut qu'ils se souviennent c'est qui le T. Je m'enfalerai avec du plan dans l'air. La street, j'suis pas le même sans elle. Toi tu veux que j'arrête, t'es malade. On fait la loi, pour qu'ils respectent, je devrais peut-être leur faire la guerre. En plan galère, j'ai jamais demandé de l'aide. J'ai un gros terre entre le majeur et l'index. Mauvaise nouvelle, tu m'as luné, je peux te faire du sale. J'ai trop les nerfs et comme un loup, j'aime marcher seul. Ah, j'ai moins d'amis, plus d'ennemis. On n'a pas la même vie, ils connaissent mon nom. Triste nuit, ma belle. Entre bride, flingue et mélodie. On fume, on fait la bringue. Perdu si loin du paradis. J'sais même pas si c'est réel. J'enfile mes TN. C'est ça la vie. Pousse-toi de la ouais. T'en veux encore, encore, encore quand j'suis gang. Mais j'suis pas comme, pas comme, pas comme j'suis dingue. J'love trop la zone, la zone, la zone. J'suis gang, j'connais ta zone. Ta somme, ta folle et puis merde. J'recommence demain. Et je recule de trois pas, je rentrerai chez toi cagoulé. Sans bruit tu me verras pas. Le week-end la semaine, on est bloqué en bas. Cet été je vais savourer Marocino Hollanda. Tac tac c'est les problèmes. En ce moment je suis plus trop le même. Je m'enfuis sur une note. Life, pas besoin de leur top. La Sophie son nid. Je suis professionnel. Je pourrais tirer dans le mille. Mais y'a rien de personnel. Fais la loi. Pour qu'ils respectent, je devrais peut-être leur faire la guerre. En plan galère, j'ai jamais demandé de l'aide. J'ai un gros terre entre le majeur et l'index. Mauvaise nouvelle, tu m'as luné, je peux te faire du sale. J'ai trop les nerfs et comme un loup, j'aime marcher seul. Ah, j'ai moins d'amis, plus d'ennemis. On n'a pas la même vie, ils connaissent mon nom.